une autre journée hier du tournoi Atome Pee-Wee dans le secteur de Dolbeau. Donc, on va en parler avec notre ami David Lamontagne, qui est le président. Salut, David! Salut, David. David, si on y allait avec les matchs qu'on avait à disputer hier, je pense qu'il y avait une couple de matchs hier? Oui, on avait quatre matchs hier au secteur Mistassini. OK. Dans la tombe B, les sénateurs de Saint-Félicien ont gagné 3-2 contre les Loups de Debout-Saint-Félicien. Oui. Dans le Piouillard, les Sables de Robertval 2, les Rapides de Debout-Saint-Félicien 0. OK. Et dans la tombe 2C, les Aiglons d'Alma 2, les Sables de Robertval 4. OK. Et dans le Pee-Wee 2C, les Genois d'Alma et les Rapides de Lac-Saint-Jean-Nord ont fait un match nul de 6 à 7. OK. Qu'est-ce qui arrive quand il y a des matchs maintenant pour le classement? Ça fait quoi, là? Quand il y a un match nul, C'est des rondes robustes. OK. Autrement dit, avant les demi-finales, on n'a pas de prolongation. Ah, OK. Donc, ça se poursuit, évidemment, aujourd'hui. Là, c'est vendredi. Normalement, vendredi, il y a plus de matchs. Donc, si je m'imagine que c'est ça, donc ça, là, vous allez utiliser les deux plateaux, j'imagine? Aujourd'hui, on a deux arénas. On a 20 matchs au total aujourd'hui. Beaucoup de matchs. Les équipes de l'extérieur, il y a beaucoup d'équipes de l'extérieur qui arrivent. OK. Après, ce soir, on a le match d'ouverture au secteur Mistassini à 16h45. OK. À 18h45, excusez-moi. Oui. Donc, on attend la population en grand nombre. Et l'ouverture officielle, ça fait ce soir, c'est ça? Ça fait ce soir à 18h45 à Mistassini. OK. Donc, évidemment, à Mistassini, les matchs qui sont au programme, c'est quoi pour l'ouverture officielle? Pour l'ouverture officielle, c'est le Pee-Wee 2. OK. Les Rapides de l'Axe-Saint-Jean-Nord contre les Dynamo du Coutu. OK. Puis on a beaucoup d'équipes locales. Là. Même avant, là, on a l'Atome 2C qui joue, le Piwiya qui joue, les équipes locales, le secteur Mistassini. On a l'Atoma, les Castors qui jouent dans l'Atoma à Dolbeau, okay. Secteur Dolbeau. Fait qu'on a beaucoup d'équipes locales, les équipes extérieures arrivent, puis on invite la population à venir en grand nombre. Oui. Donc, on rappelle évidemment le prix d'entrée. C'est sûr que ça se poursuit aujourd'hui, donc donc c'est quand même abordable et toute la fin de semaine. Donc, le prix d'entrée, c'est? Le prix d'entrée, c'est 5 $ par personne. Autrement dit, 16 ans et moins, c'est gratuit. OK. Et les passes pour la fin de semaine, c'est 12 $. Bon, et on rappelle. Oui, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. Et on... C'est pas non, cher. Non, comme on dit, c'est pas cher. Donc, on rappelle également les pages, la page Facebook. Où vous pouvez voir pratiquement les résultats, les photos, les billets de moitié-moitié. Donc, c'est quoi le... C'est tournoi Atome Pee-Wee 2015, okay. Sur Facebook. Okay. On met le classement, on met les résultats des matchs, on en met le plus possible. Ben oui. Puis on invite les gens à venir sur Facebook. C'est pas mal là qu'on met plus d'informations, mais sinon, il y a toujours le site Internet du tournoi qu'on peut, comme je te disais, ben oui. Le plus facile, c'est de passer par le site du hockey mineur, on va sur le site du tournoi interrégional Atome Pee-Wee. OK. Donc, et aussi, on rappelle quelques commanditaires, dont Yannick Saint-Pierre également, qui est très impliqué, Yannick Saint-Pierre, dans LD Auto. Donc, un gros merci également. Ben, David, on s'en reparle quelque part sûrement demain. Pour demain matin, même si c'est la fin de semaine, on va faire des reportages. Merci voilà, beaucoup. David Lamontagne, le président du tournoi Atome Pee-Wee du secteur de Dolbeau-Mistassini.